Avec le temps peu à peu, et nous autres, nous disparaîtrons avec elle. Define parameters of program. Bon, allez, fini de jouer les nains de jardin. Assieds-toi sur ma queue et viens avec moi dans mon clavier. Pick up! Alors, vous avez trouvé la clé. Vous voulez vous amuser avec moi, bande d'enfoirés ? Approchez, je vais vous montrer.